Chapitre 6e, ça chauffe. Le lendemain matin, le nouvelliste portait en tête de sa première page une manchette énorme avec son titre « Le mystère de la rue du Pont-Neuf, un fils de très grande famille, poète et philosophe. Étonnante intuition d'un génial policier. » Et plus bas, cette révélation décisive, une rafle dans les Bouches du 20e arrondissement. Arrestation des assassins. Voici la copie de cet article sensationnel. Le crime de la rue du Pont-Neuf a profondément ému la population parisienne, non seulement à cause de l'audace avec laquelle il a été perpétré, dans une maison habitée par plus de 25 locataires, mais encore, et surtout peut-être, en raison du mystère qui planait sur la personne de la victime. Nous avons dit que M. Blot, concierge de l'immeuble, ne pouvait fournir sur son locataire que de très vagues renseignements. Mais corroborés par les indications des voisins, ils ont peu à peu constitué une documentation des plus suggestives. Ce locataire énigmatique est venu emménager dans la maison la veille du dernier terme. Il a payé d'avance et de plus il a porté un mobilier très suffisant et notamment quelques œuvres d'art, des copies ou des moulages bien entendu, qui témoignent chez lui de tendances artistiques des plus modernes. Une perquisition minutieuse opérée dans son appartement a amené la découverte, sous le traversin du lit à tête de mort, dont nous avons parlé hier, d'un manuscrit de 400 vers environ, fragment d'un poème dont le titre est pour faire rêver nos esthètes les plus avancés, « L'essence du rien ». Première lecture, les vers ont apparu d'une obscurité d'autant plus épaisse que l'auteur, très certainement érudit, a émis son texte d'expressions empruntées aux langues mortes et délibérément francisées. Mais quoi qu'on puisse penser de cette élucubration dont un trop rapide examen ne nous a pas encore permis de juger la valeur, elle témoigne d'une éducation supérieure et explique le ton respectueux dont M. Blot nous disait « M. Firmin ne s'appelle pas Firmin, il est bien trop fort pour cela ». Nous avons cherché à savoir d'où venait ce jeune homme lorsqu'il est entré dans son appartement. Nul n'a pu nous édifier à cet égard quant au jour précis où l'attentat a été commis. Mais il ne nous a pas été difficile d'apprendre que, sous son nom de Firmin, ce jeune homme avait beaucoup fréquenté les cafés, concerts ou bars de Montmartre. Un de nos dessinateurs les plus connus, S.T., nous a raconté que pendant près de 15 soirées consécutives, Firmin était venu se mêler à une société d'artistes et de littérateurs, genre Chat Noir, qui fréquentait dans un petit café de la rue Ganneron. Nul ne le connaissait, et avec ses cheveux enduits de pommade, avec ses bagues et ses parfums, il faisait tout d'abord mauvaise impression. Cependant, sa faconde, pimentée d'un accent méridional, lui conquérait bientôt une attention relative. Dès qu'il se sentait écouté, il se répandait en théories parfaitement excentriques, ce qui ne déplaisait pas d'ailleurs à ses auditeurs. Sa manie était la régénération de la langue française par l'introduction de vocables étroitement copiés sur des mots grecs. Il buvait beaucoup, et à mesure qu'il absorbait l'alcool, ses idées prenaient un cours funèbre, son imagination aiguillait sur la mort, sur le néant, le vide, il déclamait des vers incompréhensibles. Qui était-il? Nul ne le savait au juste. Plus il était ivre, plus il prenait de grands airs aristocratiques. Parfois il s'intitulait « Moi, le fils des ducs ». On riait et il s'exaspérait. Un jour, il raconta qu'il appartenait à une famille qui pouvait marcher de pair avec une des plus illustres de l'Europe. Mais il avait rompu avec cette bande de fossiles qui niait le progrès. Le progrès, qu'il concevait comme caractérisé par la descente lente vers la mort. Bref, une sorte de fou. Non dépourvu d'imagination, mais à qui manquait l'énergie et la volonté du travail. En un mot, un dégénéré de quelque noble et forte race. Par quels moyens sommes-nous arrivés à découvrir qu'il se cachait sous la personnalité de M. Firmin? C'est ce que le secret professionnel nous empêche de révéler. Mais nous pouvons dire que nous fûmes aidés surtout par la perspicacité véritablement géniale d'un policier que nous avions vu mêler dès le premier moment à cette passionnante affaire et dont nous connaissions trop l'intelligente activité pour n'être pas certain qu'il se lancerait sur une piste utile. Nous ne rougissons pas d'avouer que nous nous sommes mis nous-mêmes à détectiver le détective, c'est-à-dire à nous attacher à ses pas, à le filer tenacement sans le perdre de vue un seul instant. Il devait nous mener au but, c'est ce qu'il fit. Nous n'entendons pas lui enlever le fruit de ses efforts auxquels on devra la solution de cette irritante énigme, et si nous ne révélons pas toute la vérité, c'est d'une part pour ne pas empiéter sur l'œuvre du parquet, de l'autre, pour ne pas augmenter par une publicité indiscrète le désespoir d'une famille que l'assassinat d'un fils plonge dans le plus profond chagrin. Mais tenant à prouver à nos lecteurs que nous sommes bien informés, nous nous bornerons à dire, premièrement, que le nom de Firmin est calqué lettre à lettre sur celui de la grande famille dont il s'agit, avec adjonction d'un très court suffixe. Deuxièmement, que cette famille, dont le nom apparaît dans l'histoire depuis le XIIIe siècle, occupe, en plein faubourg Saint-Germain, un hôtel toujours fermé et où ne pénètrent jamais les bruits du dehors. Troisièmement, que la mère du jeune homme est morte à la fin de l'année dernière, peut-être de douleur d'avoir vu son fils renier les croyances aristocratiques de la famille et s'évader de la maison seigneuriale comme d'une prison. Quatrièmement, que depuis plus de 3 mois, ce fils n'a plus reparu chez son père qui vit seul, hors du monde, hors du présent, et semble n'avoir fait aucune démarche pour amener à lui cet enfant prodigue dont le plus grand défaut paraît n'avoir été qu'une surexcitation maladive. Nous croyons savoir qu'après avoir en vain tenté de parvenir jusqu'à M. de F., qui est jalousement gardé par de vieux serviteurs et qu'on aurait voulu informer, avec les précautions réclamées par l'humanité et le bon goût, de l'horrible catastrophe qui le frappait, on a dû se résigner à l'inviter par lettre à se rendre chez le juge d'instruction. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de ces dramatiques péripéties. Et l'article se terminait par cet entrefilet, dont l'effet devait encore rehausser l'intérêt des lignes précédentes. Dernière heure. La police a déployé une activité méritoire dont elle nous avait depuis longtemps déshabitués. Convaincue que l'assassinat du malheureux marquis de F., car tel sera le titre de la mystérieuse victime, était l'œuvre de malandrins de la pire espèce qu'il avait épié et suivi dans une de ses excursions nocturnes où se complaisait son imagination maladive, le service de sûreté avait organisé cette nuit même une battue simultanée dans tous les repères où se terrent les vagabonds et les gens sans aveu qui pullulent dans notre grande ville. Nous signalons à ce sujet la rentrée en grâce d'un des hommes qui ont rendu le plus de service à la grande cause de la sécurité parisienne, M. Piedbeuf, naguère encore sous-chef de la sûreté, et qu'un regrettable malentendu avait fait tomber en disgrâce. Plaçant l'intérêt public au-dessus des rancunes administratives, l'intelligent M. Charlet n'avait pas hésité à faire appel, en ces graves circonstances, à son intrépidité et à son expérience. Et le succès a récompensé son ingénieuse initiative, car ce fut M. Piedbeuf qui surprit, dans une des anciennes cavités autrefois appelées carrières d'Amérique, et qui ont été presque entièrement comblées lors de la construction du parc des Buttes-Chaumont, une bande d'apaches qui se livrait à une véritable orgie. Une quinzaine d'hommes s'étaient installés dans une de ces grottes, dont ils étaient parvenus à retrouver et à déblayer l'entrée. Là, ils avaient organisé un véritable domicile avec dortoir, cuisine. Quand M. Piedbeuf, accompagné de 3 agents triés sur le volet, les sieurs Trochon, Verduret et Gata-Pierre, fit invasion dans ce repère, le revolver au poing, ces bandits étaient attablés autour d'une table improvisée sur laquelle des mets de toutes sortes, gibier, volaille, constituaient un repas pantagruélique. On devine que les vins et les liqueurs ne faisaient pas défaut. Lorsque les hommes de police apparurent, les bandits parurent pétrifiés. Ils se croyaient si bien en sûreté. En un clin d'œil, les agents leur eurent passé les menottes, et alors ce fut contre les défenseurs de l'ordre un torrent d'imprécations auxquelles, bien entendu, on ne prit pas garde. Un interrogatoire sommaire eut lieu, au cours duquel 2 de ces bandits qui répondent aux sobriquets de Cocolatruffe et de Gésier Blanc se troublèrent si fort qu'ils furent l'objet d'un examen tout spécial. Or, ces 2 misérables avaient sous leur veston des chemises ensanglantées. Ils cherchèrent à expliquer la provenance de ces taches suspectes en prétendant qu'ils avaient saigné des lapins et des volailles. Mais sans s'arrêter à ces mensonges, Piedbeuf, par un trait vraiment admirable d'intuition, les accusa de l'assassinat de la rue du Pont-Neuf. Ces 2 apaches ne purent que balbutier des dénégations invraisemblables. La conviction du policier était faite, et toute la bande prit le chemin du dépôt avec les 2 assassins soumis à une surveillance spéciale. P.S. On nous informe à la dernière minute que Durand dit Cocolatruffe et Villemur dit Gésier Blanc ont fait des aveux. Enfin, voici donc un crime qui ne restera pas impuni. À 4 heures parut une édition extraordinaire dans laquelle figuraient en première place les informations suivantes. Les deux bandits arrêtés cette nuit sont revenus sur les aveux qu'ils avaient faits. Ils prétendent n'être que des braconniers qui avaient organisé un repas avec les marchandises qu'ils n'avaient plus placées ni au hall ni chez les particuliers. Les taches de sang proviendraient, d'après eux, du rôle de cuisinier qu'ils avaient accepté. Mais ils n'ont pu justifier de l'emploi de leur temps dans la nuit et à l'heure où le crime de la rue du Pont-Neuf a été commis. Il n'est pas douteux qu'ils soient de bonne prise. À la morgue. Toute la journée, la foule s'est portée dans la salle du funèbre monument. Plusieurs personnes ont reconnu le malheureux Firmin, notamment des habitués des cénacles Montmartre ou de la rive gauche. Les renseignements donnés n'ont fait que confirmer ce que nous avons publié ce matin. Firmin était connu dans ses milieux aristocratiques comme un poète décadent, de caractère difficile, hautain et vaniteux, faisant sonner bien haut sa noble naissance et fatiguant l'auditoire le plus bénévole par la monotonie de ses récitations macabres ou inintelligibles. Il affectait en outre de professer des opinions anarchistes. D'autres affirment au contraire qu'à l'état de calme, c'est-à-dire lorsque l'alcool n'avait pas agi sur lui, c'était un garçon très doux et tout à fait inoffensif. Ses opinions n'ont d'ailleurs rien de contradictoire. L'absinthe a perdu le malheureux qui, dit-on, en absorbait des quantités considérables. Parfois, était en proie à des attaques quasi-épileptiques, sorte de délirium tremens. Une lettre. Au moment de mettre sous presse, nous recevons la lettre suivante, dont le fond et surtout la forme nous surprennent profondément. Elle est signée de Maître Lamblin, notaire à Paris. Nous nous étonnons qu'un officier ministériel se laisse entraîner, même pour le compte d'autrui, à de pareilles intempérances de langage. Nos lecteurs seront nos juges. Seulement, disons dès maintenant que des dénégations intéressées ne peuvent modifier en rien une opinion basée sur des faits patents. Voici cette lettre. Monsieur le directeur, dans un article sensationnel de ce matin, vous vous permettez de mettre en cause, en dehors de tout droit et de toute convenance, une des personnalités les plus vénérables de la noblesse française. Sous des initiales plus que transparentes, vous vous immiscez dans la vie privée de M. le duc de Firmini, dont je m'honore d'être depuis de longues années le mandataire et le conseil. C'est sans doute à ces insinuations ridicules qu'est due la convocation que le parquet a adressée à M. le duc et à laquelle il se refuse à répondre. À tout ce roman absurde, né sans doute dans l'imagination de quelques reporters faméliques, j'opposerai cette simple réponse « Monsieur le duc de Firmini n'a pas de fils ». Je vous invite, au terme de la loi, à publier cette réponse « Veuillez agréer, etc. » À quoi le journal répondait par cette note non moins raide. « Nous comprenons fort bien l'irritation que cause au père de l'assassiné de la rue du Pont-Neuf, le bruit qui se fait autour de cet événement. D'autant que, très vraisemblablement, un peu plus d'indulgence et de mansuétude de sa part eut retenu le jeune homme au foyer paternel. N'avoir pas de fils signifie trop souvent la rupture du lien familial entre gens dont les sentiments ne sympathisent pas. Et c'est ainsi que tout ce monde comprendra la phrase ci-dessus. Pour mieux préciser encore, nous affirmons qu'à quelqu'un, dont le témoignage n'est pas suspect, un des serviteurs de la maison de la rue de l'Université a répondu par ces paroles qui ne laissent aucune prise à l'équivoque. Monsieur le marquis de Firmini est absent depuis 3 mois. Veuille, nos lecteurs, noter ce terme de 3 mois qui concorde avec l'époque à laquelle le malheureux abandonné est venu se terrer dans le logement de la rue du Pont-Neuf. P.S. On nous affirme qu'on a rencontré aujourd'hui à la morgue le fameux Toto Fouinard, l'invincible détective amateur. S'il s'occupe de cette affaire, il se convaincra que l'on ne doit pas toujours compter sur la chance pour résoudre les problèmes les plus ardus. Cette fois, il sera trop tard. Tu as vu ? S'écria Michel en causant avec Fouinard à l'apéritif. « Ces imbéciles se fichent de toi dans les grandes largeurs. »« Ces méchancetés, ça sent son pied de bœuf d'une lieue. »« Peut-être bien. »« Et tu avales ça. »« Tu ne vas pas lui riposter par un coup droit. »« Tiens, demande à ta Justine, à ta canne. »« Je parie que tu la sens frémir de colère dans ta main. » Toto eut un bon rire. « Allons, l'ami, ne te monte pas le coup. »« Justine est patiente et elle a raison. »« Donc, je reste impassible. » « Regarde comme ça va bien, Toto, d'être impassible. »« Je ne dis pas non, » reprenait Michel qui, au fond, se sentait très embêté. « Mais la vérité, c'est que cette fois, Charlet et Pied-de-Bœuf ont trouvé la pionie. Parfaitement, ricana Fouinard en mordillant le bec à Justine. Je sais bien que si tu avais voulu te donner la peine, c'est toi qui aurais démêlé l'imbroglio de la rue du Pont-Neuf. Mais au lieu de t'en occuper, tu es acharné à je ne sais quelle pauvre petite aventure, un fruitier attaqué sur le quai. Avoue que tu as bien perdu ton temps. Je l'ai encore bien plus perdu que tu crois. Sais-tu ce que j'ai fait depuis hier soir jusqu'à 3 heures du matin? Comment tu as passé la nuit dehors? À peu près. Et chose plus horrible encore, j'ai passé tout ce temps-là dans les caboulots, les conserborgnes, les coins les plus bizarres du quartier latin. J'ai bu 6 vermouths, 4 picons, 5 pépermintes et finalement, pour m'achever, 2 absinthes pures. Mais, malheureux, pardonne ma franchise, ma sincère amitié, tu te tueras. Comment? Toi, tu t'adonnes à la boisson. Si Suzanne savait cela. Oh, elle le saura, répliqua froidement Fouinard. Je dis plus, quand je le lui redis, elle m'approuvera, elle m'engagera à continuer. Cette fois, Michel Gervais, qui était un esprit bien équilibré, ne put se contenir plus longtemps. Écoute, Fouinard, dit-il d'un ton solennel, en m'autorisant à te tutoyer, tu m'as donné le droit de te parler en toute franchise, en vrai ami. Depuis quelques jours, je ne te reconnais pas. On dirait, oui, j'ose m'exprimer ainsi, que tu es sur la pente de la folie. Oui, oui, il y a une mauvaise pierre dans ton sac. Prends garde, Toto, prends garde. T'as fini ? Demanda simplement Fouinard qui avait écouté sans sourcil la mercuriale du brave garçon. Tu sais, tu parles bien, mais ça m'est tout à fait égal. Maintenant que tu as dit, du meilleur cœur du monde, des bêtises grosses comme tout le monde, écoute-moi. D'abord, regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi s'ils ne sont pas aussi clairs qu'à l'ordinaire. Écoute ma voix. Est-elle chevrotante? Prends ma main. Est-elle fiévreuse? C'est vrai, tout ce que tu dis là, mais je suis inquiet. Parce que tu manques de confiance, voilà tout. Mon petit Michel, sache bien que jamais je n'ai eu la jugeote plus saine ni la tête plus fraîche. Ne discute pas, cela est. Je suis mon petit bonhomme de chemin, tout droit, avec la certitude d'arriver au bout que je me suis fixé. Ne t'occupe ni de Charlet ni de Pied-de-Bœuf. Ils sont roulés d'avance, parce qu'ils se seront roulés eux-mêmes, et sans que j'y sois pour rien. Tant pis pour eux. Si Charlet est un imbécile, Pied-de-Bœuf est une canaille. Il adviendra d'eux ce qu'il pourra. Je m'en lave les mains. Ils peuvent faire paraître sur moi dans les journaux toutes les blagues qu'il leur plaira. Je m'en soucie comme d'une guigne. Je veux les clouer, une bonne fois, au milieu de leurs gaffes, et ce sera fait. Là-dessus, mon petit Michel, j'ai besoin de toi et de Suzon ce soir. Michel avait écouté le discours de Fouinard avec une attention profonde. Peu à peu, son visage, tout à l'heure embruni par une inquiétude sincère, s'était éclairci. L'accent de Fouinard, la sûreté de sa voix, la clarté de son regard, sa liberté d'esprit, tout cela avait produit l'effet ordinaire. « Je ne suis qu'un imbécile. » prononça-t-il d'un ton pénétré. « Il faut me pardonner, si je ne suis pas encore à la hauteur. Ça viendra. En attendant, si je t'ai blessé, pardonne-moi et prouve-moi que tu ne me gardes pas rancune, en usant de moi où tu voudras, comme tu voudras et quand tu voudras. Je n'ai aucune rancune contre toi, ce serait trop bête. Tu es la meilleure patte d'homme que je connaisse, et je t'aime de tout mon cœur. C'est pourquoi je t'invite à venir ce soir avec moi, risquer de te faire casser la bouche à Bullier. Au bal, oui, mon petit. Et bien que Suzon ne soit pas là, je l'embauche également. Tu vas aller la chercher illico. On dînera et puis après certaines petites cérémonies qui se passera chez moi, nous nous en irons tous les trois pincer le pas du serpent au carrefour de l'observatoire. Bon, voilà encore que tu écarquilles les yeux. Un mot de plus et tu me traites de loufoque. Je te jure, ne jure pas et fais ce que je dis, ça vaudra mieux. Va, mon brave Michel. Je suis bien sûr que Suzon ne fera pas tant de façons. Je compte sur vous deux. Je vous attends ici. Justement, voilà les journaux du soir et je vais m'en rincer l'œil en vous attendant. Michel prit son chapeau et partit. Fouinard se plongea dans la lecture du soir. Il lut, à la 3e page. Une scène des plus regrettables s'est passée aujourd'hui à l'hôtel de Monsieur le Duc de Firminy, rue de l'Université 110. Des documents probants ont établi que la victime de l'attentat perpétré par de misérables criminels, rebut de la population parisienne, était le fils de M. de Firminy. Ce jeune homme, obéissant à des suggestions morbides, avait abandonné le foyer familial pour se jeter dans les pires excès. Depuis 3 mois, époque à laquelle il a quitté l'hôtel paternel, on a pu suivre sa trace dans ces endroits interlopes où se réunit, sous prétexte de littérature décadente, cette jeunesse oisive et prétentieuse qui a la prétention peu justifiée de rénover l'art et la poésie et qui, le plus souvent, n'aboutit qu'à l'impuissance et au néant. Dans ce monde excentrique, quelques-uns, la minorité, sont de bonne foi. Les autres ne cherchent qu'à vivre aux dépens des naïfs qu'ils encensent ridiculement et dont ils exploitent la vanité. L'alcool tient la plus grande place dans ces conciliabules qui sont le plus souvent des foyers d'ivrognerie et de débauche. On comprend fort bien la répugnance que peut, que doit, éprouver une noble famille à avouer les liens qui l'attachent à de pareils insensés. Et nous partageons les angoisses de ce père qui voit, à la suite d'un événement tragique, son nom un des plus honorés de notre histoire. Les Firmini ont donné à la France un grand maître de l'artillerie sous Henri IV, sous Louis XIII, un président de la Cour des Aides, un grand chancelier sous Louis XIV, nous en passons et des meilleurs. Mêlé à une aventure fâcheuse, livré aux commentaires d'une presse malveillante qui a perdu tout respect de nos traditions. Monsieur le duc de Firmini, touché par une invitation à comparaître comme témoin, a signifié hautainement à monsieur le juge d'instruction Pourcelet son refus d'obtempérer à cette invitation. Monsieur Pourcelet, après avoir pris l'avis de monsieur le procureur général et du ministre de l'Intérieur, a décidé alors qu'il ferait auprès de monsieur de Firmini une démarche officieuse et personnelle afin de lui représenter la photographie du jeune marquis assassiné et de prendre acte de sa reconnaissance. Pour la circonstance, monsieur Pourcelet s'était fait accompagner de monsieur Charlet, chef de la sûreté, assisté de 4 de ses meilleurs agents, Pied-de-Bœuf, Trochon, Verduret et Gata-Pierre, et ainsi, le juge d'instruction s'est présenté aujourd'hui à 2 heures précises au vénérable hôtel de la rue de l'Université, qui, entre parenthèses, servit d'asile en 1793 un groupe de prêtres non assermentés dont le salut fut ainsi assuré pendant la tragique période de la Terreur. On frappa plusieurs fois et inutilement à la grande porte de l'hôtel et on commençait à se décourager, quand soudain le battant s'ouvrit sans qu'on vît personne. Hardiment, M. Pourcelet entra, suivi du chef de la sûreté et de ses 4 collaborateurs, et on pénétra dans une cour complètement déserte et où l'herbe croissait haute entre les pavés. Assez surpris de cette solitude, M. Pourcelet se dirigeait vers un perron, conduisant un vestibule, quand tout à coup une fenêtre du premier étage s'ouvrit et apparut la haute silhouette d'un vieillard au profil bourbonien drapé dans une sorte de simarre comme on en voit au portrait des vieux magistrats. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix forte « et de quel droit vous prévalez-vous pour pénétrer dans ma demeure ?» Malgré l'étrangeté de la situation, M. Pourcelet, qui tenait avant tout à se tenir dans les strictes limites de la plus parfaite courtoisie, expliqua succinctement M. de Firmini la mission qui lui incombait. Le vieillard l'écoute avec attention, puis de sa voix haute qui témoignait d'une singulière habitude d'autorité, il répliqua qu'il n'avait aucun renseignement à fournir, qu'il se refusait à tout colloque et que le magistrat et ses acolytes eussent à se retirer, sinon il saura faire respecter son domicile qu'il ne permet à personne de violer sous aucun prétexte. En vain, M. Pourcelet tenta d'insister pour être introduit auprès de M. le duc. Celui-ci resta impassible et silencieux jusqu'au moment où, se retirant en arrière et fermant brusquement la fenêtre, il cria « Mathurin, lâchez les chiens !» Et immédiatement, les portes du vestibule s'ouvrirent toutes grandes et 3 énormes molosses, de la race pure du Morvan, s'élancèrent, la gueule ouverte, avec des abois tonitruants. M. Charlet n'eut que le temps de se jeter devant M. Pourcelet, qui battit rapidement retraite, et put regagner sa voiture. Mais M. Pied-de-Bœuf et les 3 agents se virent serrés de près par les bêtes furieuses, contre lesquelles il leur fallut engager un véritable combat, dont ils parvinrent difficilement à sortir sains et saufs, à l'exception de M. Pied-de-Bœuf lui-même, qui reçut un formidable coup de croc dans les reins. Les serviteurs de M. de Firmini intervinrent alors et sifflèrent ces féroces animaux, qui n'obéirent qu'à regret, et enfin les représentants de la loi purent se retirer. Il est véritablement désolant de voir un homme, qui aurait dû donner avant tous autres, l'exemple du respect de l'autorité se porter à de pareilles extrémités, surtout lorsqu'aucun motif plausible ne motive ces actes qui tiennent à la fois de la révolte et du guet-apens. À l'heure où nous imprimons ces lignes, nous apprenons qu'une entrevue a lieu à la place Beauvau, entre le ministre de l'Intérieur, le procureur général et le préfet de police au sujet de cet incident regrettable. D'un autre côté, les comités royalistes convoquent pour ce soir même une réunion plénière pour protester contre ce qu'ils appellent la violation du domicile de M. le duc de Fermigny. Ils saisiraient cette occasion pour lancer dans le public un nouveau manifeste du prétendant. On nous dit que de sérieuses mesures de police seront prises ce soir pour parer à des troubles éventuels. « Il va bien, mon petit pied de bœuf, quand il s'y met, » murmura Fouinard après cette lecture. « Franchement, je regrette de n'être pas encore tout à fait assez documenté pour couper court à cette fumisterie. Laissons faire. Pied de bœuf a déjà reçu un peu plus bas que la ceinture de son pantalon. Un avertissement qui a sa valeur, c'est un commencement. » Les autres journées racontaient et commentaient l'événement, les uns mettant en cause le parquet qui avait, d'après eux, manqué à toute convenance, les autres injuriant la police, qui ne respectait même pas la demeure d'un citoyen paisible, et commettait des actes d'arbitraire et de brutalité qui nous reportaient au mauvais jour de notre histoire. Le tocsin, dont on connaît les idées avancées, stigmatisait au contraire l'insolence de ces hobereaux qui se prétendaient au-dessus de la loi, qui n'avaient rien oublié ni rien appris, et qui se croyait toujours à l'époque maudite où il rentrait en France dans les fourgons de l'étranger. « Sapristi, » dit Fouinard, « ça tourne à la Révolution. On a besoin de moi. » « Dis donc, Justine, je crois le moment venu d'entrer en scène. Pan, pan, pan, place au théâtre. »